Le sourire au pied de l'échelle d'Henri Miller. Rien ne pouvait ternir l'éclat de l'extraordinaire sourire gravé dans la triste figure d'Auguste. En piste, ce sourire prenait une vertu intrinsèque, se détachait, s'amplifiait, expression de l'ineffable. Au pied d'une échelle tendue vers la lune, Auguste s'asseyait, perdu dans la contemplation, sourire figé, penser au bout du monde. Cette simulation de l'extase, portée par lui à la perfection, frappait chaque fois le public comme le summum de l'inconvenance. Le grand favori avait plus d'un tour dans son sac, mais celui-là était inimitable. Jamais aucun bouffon n'avait songé à figurer le miracle de l'ascension. De soir en soir, il s'asseyait ainsi en attendant que le cheval blanc, dont la crinière ruisselait jusqu'au sol en fontaine dorée, vint doucement le mordiller. La caresse de la jument, cette tiédeur de naseau sur son cou, était comme le baiser d'adieu d'une bien-aimée. L'éveillait exquisement, comme s'anime chaque brin d'herbe sous une délicate rosée. Dans le champ du projecteur gisait, cerné, l'univers où, tous les soirs, renaissait Auguste. Ne s'y trouvaient que ces objets, ces créatures, ces êtres qui se meuvent au sein des cercles enchantés. Table, chaise, tapis, cheval, clochette, cerceau de papier et l'éternelle échelle, la lune clouée au chapiteau, une vessie de bouc. Avec quoi, Auguste et ses compagnons s'arrangeaient chaque soir pour reproduire le drame de l'initiation et du martyre. Baignant dans des cercles concentriques d'ombre, s'élevaient étage sur étage des visages coupés çà et là d'espaces vides que le rayon du projecteur léchait avec l'avidité d'une langue cherchant une dent obscure. Les musiciens, noyés dans la poussière et les fulgurations du magnésium, se cramponnaient à leurs instruments comme hallucinés, torses ondulants tels des roseaux sous un vent frémissant de jeux d'ombre et de lumière. L'homme serpent se nouait et se dénouait sur un roulement de tambour en sourdine. Une fanfare de trompette annonçait la voltige. C'était la règle. Pour Auguste, tantôt c'était un grincement mince et aigu de violon, tantôt une moquerie de clarinette qui suivait ses gambades pendant ses clowneries. Mais quand venait le moment d'entrer en transe, les musiciens, soudain inspirés, le pourchassaient de spirale en spirale, de béatitude en béatitude, comme des destriers cloués à la plateforme d'un manège en folie. Tous les soirs, en étalant son maquillage, Auguste argumentait avec lui-même. Les phoques, quoi qu'on leur demandât de faire, restaient toujours des phoques. Le cheval, un cheval. La table, une table. Mais Auguste, lui, tout en restant un homme, il était forcé de devenir quelque chose de plus, forcé de se charger des pouvoirs d'un être très particulier, au génie très singulier. Forcé de faire rire le peuple. Faire pleurer les gens n'était pas difficile, ni même les faire rire. Il y avait beau temps qu'il avait découvert cela, bien avant qu'il eût seulement rêvé du cirque. Auguste, cependant, avait de plus hautes inspirations. Il désirait faire à ses spectateurs le don d'une joie qui se révéla impérissable. C'était cette idée fixe qui lui avait inspiré son numéro de feinte extase sur la chaise au pied de l'échelle. C'était par hasard qu'il était tombé en transe, apparemment. Il avait oublié ce qu'il était censé faire à ce moment-là. Quand il avait repris ses sens, tant soit peu affolé et terriblement inquiet, il s'était aperçu qu'on l'applaudissait frénétiquement. Alors le lendemain soir, il répéta l'expérience, délibérément cette fois, tout en priant que ce rire rauque et idiot qu'il suscitait si facilement cédât la place à la sublime joie qu'il brûlait tant de communiquer. Mais chaque soir, malgré la ferveur presque de ses efforts, le même délire d'applaudissements l'attendait. Plus elle avait de succès, sa petite pasquinade au pied de l'échelle, plus sa ferveur le brûlait. De soir en soir, les rires devenaient une souffrance, lui faisait de plus en plus mal aux oreilles. À la fin, cela devenait intolérable. Et une nuit, les rires se changèrent brusquement en brocards et en sifflets. Les chapeaux suivirent, et les peaux d'orange, ou de banane, et d'autres projectiles plus solides. Le coup était raté. Auguste n'était pas revenu. 30 minutes, le public avait attendu. Puis un malaise l'avait gagné, puis la méfiance, et finalement les nerfs avaient craqué. Et cela avait donné cette explosion furieuse de dérision. Quand Auguste reprit connaissance dans sa loge, il fut stupéfait de voir un médecin penché sur lui. Sa figure, sa tête, étaient toutes tailladées et meurtries. Le sang s'était coagulé par-dessus le maquillage. Le masque déformé était méconnaissable. On eût dit Dieu sait quoi, laissé là sur le billot d'un boucher. Son contrat rompu net, Auguste s'enfuit du monde qu'il connaissait. N'ayant nul désir de reprendre sa vie de clown, il se mit à errer çà et là. Il passait comme une épave inconnue, non reconnue, à volo parmi la multitude à laquelle il avait enseigné le rire. Il n'y avait pas d'amertume au fond de lui-même, rien qu'un abîme de tristesse, et c'était une lutte constante pour refouler les pleurs. Il commença par accepter cette nouvelle condition du cœur. Tout au plus était-ce, se disait-il, un malaise provenant de la cassure brutale dans cette routine longue d'une vie. Mais quand des mois eurent passé, peu à peu, à la fin, il comprit qu'il portait un deuil. Le deuil de quelque chose qu'on lui avait pris. Ah, non pas le pouvoir de faire rire les gens, certes non, il y avait longtemps que cela n'intéressait plus. Mais quelque chose d'autre, de plus profond que cela, et qui n'appartenait qu'à lui. Puis un beau jour, l'idée lui vint comme une aube, qu'il y avait longtemps, très longtemps, qu'il n'avait connu l'état de béatitude. Cette découverte le laissa tout tremblant, au point qu'il mourait d'impatience de regagner sa chambre, mais au lieu de se ruer à son hôtel, il héla un taxi et cria au chauffeur de le conduire aux abords de la ville. « Où cela exactement ?» s'enquit le chauffeur. « Je m'en fiche, pourvu qu'il y ait des arbres. » s'impatienta Auguste. « Mais plein gaz, je vous en prie, c'est urgent. » Devant un dépôt de charbon, ils finirent par trouver un arbre solitaire. Auguste ordonna au chauffeur de s'arrêter. « Ici ?» demanda l'autre innocemment. « Oui, fichez-moi la paix, » répliqua Auguste. Un temps interminable, sembla-t-il, Auguste s'efforça désespérément de recréer un semblant de l'atmosphère qui préludait en quelque sorte habituellement à ses séances du soir jadis au pied de l'échelle. Malheureusement, la lumière ne pardonnait pas. Un soleil torride lui incendiait les yeux. « Le plus simple est de m'asseoir ici, » songea-t-il. « J'attendrai que la nuit tombe, et quand la lune se montrera, tout retrouvera sa place. »